qui m'avait si bien prédit, où tout est mort et presque rien n'est dit. J'ai regardé si loin que je n'ai rien compris. Il fallait bien un jour que j'en sorte à tout prix. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Demain, je ne perdrai plus mes nuits. On cherche toujours quelques lettres à graver. D'abord dans son cœur, puis sur un vieux pavé. J'ai regardé si loin que je n'ai rien trouvé. Au début d'un refrain, le matin s'est levé. Aujourd'hui, je dis bonjour à la vie. Bonjour à la vie. Demain, je ne perdrai plus mes nuits. Il est trop tard pour comprendre. Il fait trop noir.